cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir ismain min asma'illahi azza wa jal. Fama huma? Fattal. اسم الرشيد والرفيق. ماذا قلنا عن اسم الرشيد؟ تفضل. لا نثبت اسم الرشيد لله عز وجل لأن لا دليل لنا، ولكن نثبت له صفة الرشد. صفة الرشد. كما في قوله تعالى: ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا. أحسنت. أما اسم الرشيد فلا نعلم دليلا على ثبوته، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ولا شك أن صفة الرجفة ثابتة، وقرأنا كلاما نفيسا للشيخ سعدي رحمه الله في معاني الرشد. والدليل على اسم الرفيق عند من؟ نعم تفضل. دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب أهل الرفق. أحسنت. إن الله رفيق يحب أهل الرفق. دونك الله سبحانه وتعالى رفيق، والرفق ما كان في الشيء أو في شيء إلا زانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرفق quand il est employé dans une chose, dans une parole, dans un acte, dans un comportement, ça embellit cette chose. فالله سبحانه وتعالى رفيق في أفعاله وفي أقواله سبحانه وتعالى، ويحب الرفق. Et c'est ça l'asl. L'asl, c'est al-rifq. Fala yakhruj l'insan an hada al-rifq illa dans certains cas très très précis. Wa illa fal asl, c'est al-rifq. Qala rahimahullah al-raqib wa al-adilla ala hada al-ism kathira. Sheikh Saadi rahmatullah alayhi ذكر بعضها dans le كلام qu'on va lire ensemble بتوفيق الله عز وجل dans ce درس. قوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب. كذلك الشيخ سعدي رحمه الله il a cité هنا الشهيد. Et ces deux noms, le معنى il est très proche. قال الشيخ سعدي: وهما مترادفان. أي ces deux noms ils ont le même sens: الرقيب والشهيد. والدليل على أن الله عز وجل من أسمائه الشهيد قوله: والله على كل شيء شهيد. Et ces deux versets الشيخ سعدي رحمة الله عليه il les a cités. قال رحمه الله: الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، أي أن الله عز وجل أحاط سمعه كل شيء، أي أن الله عز وجل entend tout. وهكذا الله سبحانه وتعالى voit tout. فرقيب سبحانه. Raqib. Et on va voir une samara azima pour le abd. Al-abd qui a هذا l'iman al-azim. An Allah Azza wa Jal, il le voit, il l'entend, il sait ce qu'il y a dans son cœur. La shak. An هذا l'abd, il n'agira pas comme ceux qui n'ont pas هذا l'iman. Ou qui ont des faiblesses. Fi هذا l'iman. Wa هذا taqaddam ma'ana kathiran dans plusieurs noms. قال وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. فسيدون الرقيب والشهيد يمونتخ هذا أن الله عز وجل يبوتو il entend tout, il sait tout. قال وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. فالله سبحانه وتعالى رقيب شهيد. الله سبحانه وتعالى يسيبوا هذا العبد في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى لكخي هذا العبد مراقب. مراقب أي أن الله عز وجل يلفوا يلانتون. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Et il sait ce qu'il pense. هذا قوله وهو الرقيب على ما دار في الخواطر. الخاطر c'est ce que l'insan y pense. قال وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة. Si Allah سبحانه وتعالى il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait ce que l'insan y pense. Il sait ce que l'insan y veut faire. Avant qu'il le fasse. فمن باب أولى أن الله عز وجل يعلم الأفعال الظاهرة أي les œuvres apparentes بالأركان أي بالجوارح avec les membres. قال والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور. أكنته الصدور أي ما تخفيه الصدور أي ce que les poitrines elles cachent, elles renferment. الله سبحانه وتعالى رقيب على العبد. Il sait très bien. قال القائم على كل نفس بما كسبت الذي حافظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. الحقيقة de ce passage tu peux déduire أن الرقيب له معنيان. الرقيب الحقيقة c'est fondé sur deux sens. Le premier, al-ittila' ou al-ilm, أن الله سبحانه وتعالى sait tout, al-umur al-khafiyya ou al-jalila ou al-jaliyya, comme قال الشيخ سعدي رحمه الله. Et c'est lié avec le ilm, أن الله sait tout, il voit tout, il entend tout. Et المعنى الثاني, al-hifz, أي أن الله سبحانه وتعالى رقيب بالعباد, أي يحفظهم, يحفظ المخلوقات. Et tout ça, on l'a détaillé ensemble عند اسم ماذا تذكرون أحسنت الحفيظ. On avait cité هذا المعنى. فالرقيب c'est بمعنى العليم والسميع والبصير والمحيط. Et كذلك c'est بمعنى الحفيظ. Tous ces noms الحقيقة le معنى il se rapproche. Et الرقيب il englobe toutes ces معاني. أما الشهيد فالمطلع على جميع الأشياء. شهيد الذي يشهد c'est celui qui si tu le traduis mot à mot, celui qui témoigne. الشهادة c'est le témoignage أي d'une chose que tu connais et que tu sais. C'est pour ça que celui qui témoigne في الدنيا il doit témoigner بعلم une chose qu'il sait. أما الشهادة الزور c'est très très grave. أي تمواني بباطل وبكذب وبعدوان. فالله سبحانه وتعالى شهيد أي مطلع على جميع الأشياء. أي الله سبحانه وتعالى يسيتو يفواتو. دونك الشهيد كما قال الشيخ سعدي رحمه الله مترادف أي سان سينونيم دو الرقيب. ثم قال رحمه الله قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. Si tu lis ce verset, et on lit souvent ce verset et d'autres versets qui sont بهذا المعنى, لكن si tu le lis بعلم, après avoir étudié هذا الاسم العظيم الرقيب, في الحقيقة ça va t'ouvrir des portes كثيرة de خير et de علم. إن الله كان عليكم. عليكم ça englobe tout le monde. إن الله كان عليكم رقيبا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu penses, il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu vas faire. Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirr wa akhfa. Subhanahu. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ce qu'il y a dans les cœurs et un simple regard très rapide, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu. Fasil insan ila hadha al-iman al-azim. أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب ce عبد va se sentir surveillé مراقب de qui من الله سبحانه وتعالى بعض الناس pourquoi ils volent pas ils pourraient voler ils s'arrêteraient jamais مثلا ils rentrent dans ce magasin si ils s'aperçoivent que ce magasin il est surveillé avec un vigile, avec des caméras de surveillance, avec des détecteurs, il a après, ça le repousse. Quand il se retrouve dans un endroit où il n'y a pas هذه المراقبة, مراقبة مخلوقة, un être humain ou une caméra, probablement cet être humain il te voit, probablement cette caméra elle n'est pas placée au bon angle et elle ne peut pas te voir. هذا الإنسان في الحقيقة, quand il sera surveillé, ben, il ne volera pas. Et quand il n'y aura plus cette surveillance, il volera. فما بالك celui qui a هذا الايمان ان الرقيب c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الانسان où qu'il soit n'importe quel moment si il vole Allah subhanahu wa ta'ala il l'a vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala avant de voler il savait qu'il allait voler. Et ça va emmener une thamara azima dans le cœur du mu'min, un fruit انه il fait attention à ce qu'il dit. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque c'est beaucoup sur l'apparence et le regard des autres. Pourquoi? لأن كثيرا من الناس ضعفوا في هذا الباب. Tu trouves بعض المسلمين هداهم الله. Ils parlent beaucoup sur les gens. Quand ils sont en compagnie de certains, ils ne parlent plus. Quand ils sont avec d'autres, ils parlent beaucoup, ils critiquent les autres. هؤلاء ils seraient قوي في هذا الباب. Et ils ne seraient pas في غفلة, ils ne seraient pas dans l'insouciance et leur cœur il n'aurait pas durci. حتى ils ont faibli et ils se comportent كأنهم ils sont pas surveillés, ils auraient changé de comportement. Avant de parler, si tu parles, tu te rappelles أن الله رقيب أستغفرالله وتتوب et tu arrêtes. Avant de faire une chose avec tes membres, avec ta langue, tu te rappelles أن الله عز وجل كان عليكم رقيبا أي على علينا جميعا. Personne sort من هذا إن الله كان عليكم. Ça englobe tout le monde. وقوله والله على كل شيء شهيد. أي يترجمهم الله il est témoin de toute chose. أي voit tout, il entend tout. قال الشيخ سعدي رحمه الله ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله بأسماء باسمه الرقيب الشهيد. Et c'est ça الثمرة. Si tu as compris معنى le sens de الرقيب والشهيد ففي الحقيقة هذا العلم سيثمر في قلبك cette science, cette connaissance ça va être la cause que dans ton cœur un fruit عظيم il va pousser et العلماء il appelle المراقبة. Vous avez remarqué que c'est la même base que الرقيب الراء والقاف والباء رقيب et المراقبة c'est la même base. فالمراقبة c'est quoi? C'est le fait de mettre en application ta connaissance de ces deux noms. Et si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il est témoin de toute chose, il t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, ça va te pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le sens de ces deux noms. Laisse-moi kalam Cheikh Saadi. قال فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها. Ahata, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il n'y a rien qui sort min hadha al-ilm. Il n'y a rien qui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il n'oublie pas. Et, كذلك, on profite هنا pour citer un autre ism. Madri, est-ce qu'on l'a cité? Al-Muhit. On a cité Al-Muhit. On a cité Al-Hafid. On a cité Al-Sami' Al-Alim. Al-Basir. Et d'autres noms qui sont fi hadha al-ma'na. أما الحفيظ تقدم معنا أما المحيط إن شاء الله تعالى سيأتي قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله أي العبد السيء الإنسان il se rappelle دائما il tombe pas dans l'insouciance عياذا بالله et il regarde pas que les autres si un tel il me voit je ne fais pas cette chose s'il me voit pas عياذا بالله je fais كذلك on a déjà rappelé et on s'est déjà conseillé l'éducation des enfants à la هذا أن الله سبحانه وتعالى محيط بهذا الولد وبغيره أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير رقيب شهيد tu enseignes هذا à ton enfant dès le plus jeune âge خاصة quand il fait quelque chose de mauvais أن الله il le voit الله il l'entend ثم tu lui montres des معاني أن l'être humain il aura des comptes à rendre petit à petit l'enfant خاصة c'est répété et l'enfant est grandi avec هذا tu verras que cette éducation ça va lui être très très utile بإذن الله عز وجل أما كما تقدم معنا faire peur les enfants avec la police avec les parents avec les voisins بل بعضهم ils vont plus loin عياذا بالله ils inventent des choses un monstre أنه du كذب et ça rend هذا الطفل très très faible لماذا لأن son cœur au lieu d'essayer de le remplir de l'iman بهذه الأسماء العظيمة essayer de lui faire comprendre ses sens de la manière la plus simple au lieu de dire à cet enfant arrête si tu fais ça je vais appeler le voisin ou je vais lui dire à Madri qu'il invente une chose un monstre il a arrêté tu lui dis là arrête Allah subhanahu wa ta'ala il te voit Allah il t'entend et l'enfant il va comprendre la première fois il va te demander c'est quoi ou c'est qui Allah deuxième fois troisième fois une fois qu'il a compris et tu verras il va savoir très petit أن الله عز وجل il le voit il l'entend لماذا لأن tu lui as montré تعلمون أن l'enfant il accepte ce que les parents lui disent et il va très vite comprendre أن هذا qu'il soit seul qu'il soit avec quelqu'un que ça soit dans la nuit dans le jour tu verras que ça jouera لأن les enfants ils savent pas mentir les enfants ils font pas exprès les enfants une chose qu'ils savent ils la mettent vraiment en pratique contrairement à l'adulte أن أحيانا يمنع أحيانا يفعل apparaître une chose contraire à ce qu'il pense أما الولد لا le faire grandir على هذا c'est من أنفع الأمور c'est من أعظم التربية وكذلك نو قال رحمه الله واستحضر هذا العلم في كل أحواله في كل أحواله الأحوال هنا s'englobe الأزمنة والأمكنة que ce soit de nuit de jour que tu sois chez toi dehors au masjid ou dans un lieu public مهم في جميع الأحوال تسي دو تو رابلي ان الله عز وجل عليم بصير خبير رقيب اسكي va nous aider à nous rappeler هذا c'est la lecture du Coran لكن vous avez remarqué que احيانا on lit le Coran et on oublie mit هذه المعاني c'est pour ça que le Coran vaut mieux lire moins au lieu de se précipiter vaut mieux lire moins et réfléchir sur le معاني et revenir à كتب التفسير مثلا هذا أو هذه الآية العظيمة إن الله كان عليكم رقيبا من سورة النساء يتولي تفاسير العلماء يتولي غالي فوائد سواء الشيخ سعدي رحمه الله هو النطق قال وفي كل أحواله أوجب له ذلك c'est ça le fruit c'est l'insan il sait أن الله il le voit il l'entend أن الله عز وجل c'est الرقيب أوجب له ذلك et qu'est-ce que ça va faire à cet être humain dans son cœur قال أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله حتى ce qu'il pense حتى ce qu'il pense il va faire attention حراسة الحراسة on dit الحارس c'est quelqu'un qui surveille c'est la surveillance فأوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس الفكر c'est ce qu'on pense والهاجس c'est ma yakhturu fil bal ça ressemble كذلك c'est ce que l'insan y pense qala yubghiduhu Allah même les choses on parle même pas de parler ou de faire même les choses iyadan billah des wasawis ou des choses mauvaises ou une mauvaise pensée envers Allah azza wa jall ou une mauvaise pensée envers un de ses serviteurs bi ghayri haqq tout ça il va s'écarter limada li anna Allah raqib il va dire astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitani rajim et il se corrige intérieurement celui qui se corrige intérieurement il va se corriger extérieurement et avec les membres قال وحفظ ظاهره عن كل قول وفعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان. كذلك الأفعال. Avant de parler, avant d'agir, avant de se précipiter, كما تقدم معنا. العجلة من الشيطان. فرفق. On revient au nom précédent, الرفيق. رفق dans ses أقوال, dans ses أعمال. Et بالحقيقة, c'est quoi qui va t'aider à avoir هذا الرفق, cette douceur? C'est s'éloigner de la ghafla et ne pas oublier en Allah Azza wa Jalla, il te voit. Et en هذا الرفق, ça doit être l'Illah. Cette douceur, elle doit être l'Illah Azza wa Jalla. Avec les proches ou avec les gens qui ne sont pas proches. قال رحمه الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. Vous avez compris là, pourquoi certains ils ont atteint درجة الإحسان. الإحسان, c'est le plus haut niveau. الإسلام والإيمان والإحسان. كما في حديث عمر رضي الله عنه قصة جبريل quand جبريل عليه السلام il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et il l'a interrogé sur ces trois points. الإسلام, الإيمان, الإحسان. الإسلام, les œuvres apparentes. الإيمان, les œuvres du cœur. Et الإحسان. فالإحسان c'est quoi? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est, في الحقيقة, الإحسان, c'est mettre en application ta compréhension du nom الرقيب الشهيد. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il te voyait. C'est ça, المراقبة. أي هذا الإنسان يبادر الله عز وجل comme si Allah il le voit. Et là, je sais qu'en Allah il le voit. لكن tellement qu'il est قوي في هذا الباب, il oublie pas. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le voit à chaque instant. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît son hal. Là, je sais que ça va l'aider à faire des efforts dans les obligations et an-nawafil, les adorations recommandées. Et kadalik, il va faire des efforts pour s'écarter du haram et des choses détestables. قال فعبد الله كأنه يراه. Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si lui, il voyait Allah. Et là, je sais qu'un al-abd, il voit pas Allah. Il le verra يوم القيامة يا المؤمن في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين سيرون الله عز وجل. هذا العبد إلى دعوة الله كم سئل بوي الله يا الله سبحانه وتعالى إلا بوا. C'est pour ça qu'on a donné le مثال. بعض الناس en face des gens ils peuvent pas faire certaines choses. لماذا؟ لأن ils voient les gens et les gens ils les voient, ils peuvent pas faire certaines choses. Certains de nous, les êtres humains en général, ils les font quand ils sont seuls. Ou avec certains qui sont comme eux. Face à d'autres personnes, là. Al-Ihsan, c'est que tellement que son iman il est qawi, il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Et si il ne le voit pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Et le fait que Allah il le voit, c'est min ma'ani. Ça fait partie des sens de Al-Raqib. Al-Imam d'Al-Qayyim, rahimahullah, qala, on peut rajouter une fa'ida, fi Madarij al-Salikin, il a cité un kalam jamil, tawassa'a fi hada al-bab, fi bab al-muraqaba. Qala al-muraqaba, donc al-muraqaba, c'est quoi? C'est ce que Cheikh Sa'di l'a cité. أي أن الإنسان يسيك الله اللي هو اللي انتنده كيف أتنسوا على سكيل فا. قال المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. تأمل قوله دوام. C'est pas qu'un instant. لأن أحيانا الإنسان il assiste à une خطبة de جمعة. إيمانه يقوى et il se rappelle et il dit que inshallah si je sors je fais plus telle chose, je vais essayer de faire des efforts. ثم avec le temps il oublie et il retombe في المعاصي. وهكذا celui qui assiste à un dars ou une muhadra ou il lit un livre. لكن très rapidement أحيانا الإيمان يشute et l'insan il retombe dans des choses mauvaises. لماذا؟ لأنه il a un manquement في هذا. أما المراقبة c'est دوام أي c'est باستمرار, c'est régulier. علم العبد أي العبد il sait quoi. كذلك تيقنه بيقين il a pas de doute باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. أي أن الله سبحانه وتعالى il sait ce qu'il y a dans son cœur et il sait ce qu'il fait avec ses membres. قال فاستدامته هذا العلم واليقين هي المراقبة. فاستدامته أي le fait d'être régulier, ne pas oublier أن الله سبحانه وتعالى il le voit, il l'entend, il a آخره, c'est ça المراقبة. أي هذا العبد il se sent surveillé. Il sait qu'Allah il le voit. Et il sait qu'à tout moment, l'ange de la mort, il peut prendre son âme et directement il se fait interroger dans la tombe. Directement, ça commence le hisab. هذا العبد qui n'oublie pas هذا, فلا شك أنه il fera attention. بعض الناس, c'est des مجرمين, ils volent, ils cassent, ils l'achètent. Et pour les calmer, la justice, imma ils les enferme en prison, imma ils leur mettent des bracelets. هذا c'est un نوع de muraqaba, لكن d'être humain. Enfin, il doit signer, il doit pas aller dans tel endroit, il doit rester que dans telle chose. Thumma, au bout d'un certain temps, il a des comptes à rendre avec le juge. Et si il a respecté, il a khidé, robbama le juge, yukhaffif alayhi, il allège. Peut-être qu'il ira pas en prison, peut-être qu'il lui retire le bracelet. هذا العبد في هذا الحال. Même si c'est akbar mujrim, il fait très très attention. لماذا لأنه مراقب. Il sait que s'il dépasse les limites, مثلاً, il a un certain périmètre à respecter, s'il dépasse, ça sonne. Et Obama, la police, il le prenne et il l'enferme. Il fait très très attention. كذلك, cette période, c'est comme un test. S'il fait pas de choses qui font du mal aux autres, il enfreint la loi, il a akhre, et Obama, il le libère ou il lui enlève le bracelet. Donc, il fait très très attention fi hada, fi hada il mudda, cette période. Fa al-haqiqa, celui qui applique hada, toute sa vie. Et al-raqib, c'est Allah. C'est pas une caméra, c'est pas un bracelet, c'est pas un juge daïf. Là, c'est Allah. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar. Al-Haqiqa, il fait attention, il patiente. Dès qu'il meurt, bi-idhnillahi azza wa jal, dans sa tombe, il profitera. Il y a plus d'obligation, d'interdiction, fais cette chose, fais pas. C'est que les récompenses. Thumma fil jannah, l'éternité, il sera firaha. Fahada, c'est ça la vie. Lakin al-insan yasta'jil. C'est pour ça que l'être humain en général, quand c'est de force, il respecte. Avec la justice, la akhira. Lakin notre dîn, là, notre dîn, c'est l'iman. Personne ne va te forcer, fais du dhikr. Personne ne va te forcer, délaisse telle chose. Dans certains cas, même, ça aide. Khasatan dans un pays où yahkumuna bima anzalallah. Lakin l'an, dans l'époque où on vit, dans beaucoup d'endroits, Rupama, tu te retrouves dans une situation, personne ne te dit. Fais salat ou fais telle chose, ou arrête de fumer, arrête de faire, personne ne te dit. Si tu n'as pas هذا l'iman, et tu ne fais pas d'effort via هذا l'bab, فَرُبْمَمَا عِيَدًا بِاللَّهِ الْإِنسَانِ il suit ses passions, il suit le shaitan, حَتَّ يَهْلَكَ. Et l'ange de la mort, quand il descend pour reprendre son âme, il le trouve dans une situation critique. هذا c'est مِنْ أَنْفَعْ مَا يَكُونَ هَذِي الْمُرَاقَبَةِ قال ابن القيم رحمه الله هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه. C'est le fruit de sa foi. أن الله عز وجل رقيب عليه. أي قال رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله إلى آخره. Donc, هذا الإيمان ça va donner un fruit عظيم qui s'appelle المراقبة. أن الإنسان fait très très attention. الله سبحانه وتعالى il est شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالم لم يفلته كما جاء في الحديث. إذا أخذ الظالم لم يفلته إلا لوبا إلا مانكبا. الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. فنسأل الله عز وجل من فضله. On a cité le sens et كذلك le fruit de هذا الاسم العظيم. ثم قال رحمه الله الستار والستير بالكسر on avait dit. كذلك un troisième nom qui ressemble à ساتر. وهذه الأسماء تقدمت معنا. Page 64. On avait lu كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه. On peut le répéter هنا. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يوجد في أسماء الله إلا الستير. أما الساتر فلم يرد في أسمائه تعالى. وقال كذلك أما الستار نعم. Donc on a الساتر et on a الستار. قال فلم يرد كذلك. Donc الثابت c'est الستير. أما الساتر والستار فهذا تقدم معنا أن يبقى دليل على هذين الاسمين. Et on avait expliqué le sens de ce nom مع d'autres noms الحي و الستير. On avait vu ensemble ولله الحمد. ثم قال رحمه الله السلام. Et كذلك القدوس. Deux noms parmi les noms d'Allah عز وجل. قال ودليل هذا الاسم قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. Donc deux noms, القدوس et السلام. Et il les a cités ensemble هنا رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن كذلك ils sont très très proches dans le معنى. Leur sens ils se rapprochent. كذلك un autre nom que le Cheikh il a pas cité هنا رحمة الله عليه. في الحقيقة المعنى كذلك il ressemble à القدوس السلام. C'est اسم السبوح. Il est ثابت في السنة كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا من أذكار الركوع والسجود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح أي الله عز وجل. فالقدوس سي الله السبوح سي الله السبوح سي c'est comme Al-Quddus wa Salam fi Al-Ma'na, ça se rapproche. Donc, on a trois noms, هنا. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, est-ce qu'on va lire taqaddam ma'na vi fi al-Qawaid al-Mutla, ay anna hadhihi al-asma dalla ala tanzihi Allahi azza wa jal. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'imperfection, il n'a pas de défaut, il n'a pas de manquement. Al-wajib ala jami' al-mu'minin, c'est l'ithbat. إثبات صفات الكمال لله عز وجل. أي سدتخبوا الله سبحانه وتعالى للصفات بخفت كي تنسيته في القرآن وفي السنة. هذا هو الإثبات. كذلك الواجب ستنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. التوحيد اللي فوندي سو هذا الإثبات والنفي. أي هنا بعض توحيد الأسماء والصفات. أي إثبات أوصاف الكمال وتنزيه الله عن عن النقائص والعيوب أي toutes les imperfections et les manquements. فهذه الأسماء القدوس والسلام والسبوح ça montre أن الله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب. قال ومن أسمائه القدوس السلام. القدوس vous connaissez le nom قدس القدس كذلك الأرض المقدسة. القدوس القدس في اللغة الطاهر quelque chose de pur. Et كذلك الأرض المقدسة أي المباركة. فالقدس en arabe قدس هذه المادة فتدل على الطهر والبركة. السلام ça vient de السلام. Et كلام الشيخ سعدي رحمه الله ça va ou on va plutôt approfondir ces deux sens. قال رحمه الله أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق فهو المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. دون قوله القدوس السلام أي أن الله عز وجل المعظم. لماذا؟ تقدم معنا اسم العظيم أو لا encore vu سهل يأتي معنا إن شاء الله المعظم. لماذا؟ لأن الله عز وجل il est parfait. C'est le خالق, c'est le créateur. Il a aucun manquement, aucune faiblesse, aucun défaut, سبحانه. فسر المعظم ومن أسمائه العظيم ومن صفاته عز وجل العظمة. Donc c'est le معظم. C'est celui qu'on doit glorifier, celui qu'on doit adorer. On doit se soumettre l'imam, l'annahu, c'est le créateur de toutes choses et il est capable de tout. Subhana. Qala al-munazzah. Al-munazzah, al-tanzih, c'est le fait de ne pas attribuer une chose. Al-tab'id en arabe. Aïe, أبعد هذا الشيء عنه، أي نزه نفسه عن هذا، أي أبعده. أنت نزه نفسك عن هذا، نزه نفسك عن هذا، أي سو كومبورتمون، أي إلوان سيت شوز دو توا، هل تفرا دو مال. فسي سا التنزيه أون أراب، لو فات ديكارتي ديلواني. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عز وجل عن صفات النقص. دونك الله سبحانه وتعالى اون بو با لو اتريبي ان اتريبي امبارفيت. لماذا؟ لانه هو بارفيت عز وجل. قال وان يماثله احد من الخلق. فيك الخلق اي وناس بمعنى المخلوق اللي ضعيف، فالله سبحانه وتعالى بو با ريسومبلي ان ضعيف ان فيبل. لماذا؟ لان الله عز وجل نفس نزه نفسه عن الضعف. دونك يبو با غوسومبلي ا كلكو شوز دو فيبل. Et les créatures, elles sont faibles. فالله سبحانه وتعالى il ressemble pas aux créatures. فهو المنزه عن جميع العيوب. Toutes les imperfections, tous les défauts, tous les manquements. والمتنزه عن ان يقاربه يماثله احد في شيء من الكمال. قال عز وجل ليس كمثله شيء. وقال ولم يكن له كفوا احد. وقال هل تعلم له سميا. فces trois versets, le sens il est proche. Et en Allah Azza wa Jal, il ne ressemble pas à ses créatures. Les créatures, elles ne ressemblent pas à Allah Subhanahu. لماذا؟ لأن الله عز وجل, c'est le créateur, نزه نفسه عن العيوب والنقائص. Et la créature, c'est une créature. Elle a des manquements et des faiblesses. قال عز وجل, فلا تجعلوا لله أندادا. النجز الشريك. C'est l'associé. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé. Limada. Les associés sont pareils. L'être humain, il a le droit de prendre un associé, être humain comme lui, dans une chose de moubah, maintenant dans le commerce ou autre. Limada, liana, c'est un être humain comme toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'associé. Limada, liana, celui qui a besoin d'un associé, c'est qu'il a des manquements. Pourquoi, wa'adhanas, ils ont besoin d'associés, maintenant, fit tijara? Les anahum, ils ont des manquements. Tu peux pas gérer tout seul. Oh, tu n'as pas assez d'argent pour financer ton projet. Tu as besoin d'un associé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas d'associé. Il a pas de faiblesse, il a pas de manquement. Il possède tout. Celui qui possède tout, il a pas besoin d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik. Qala falquddus kassalam yanfiyan kulla naqsin min jami' al-wujub wa yatadhammanan al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh. Vu que ces deux noms, et que d'ailleurs qu'on rajoute le troisième subbuh, yamfiyan kull naqs, et ça montre ces deux noms qu'Allah il a pas d'imperfection, ça implique si Allah il a pas d'imperfection, c'est qu'il est parfait. Donc fil haqiqa ces noms, ça montre an nafi wal ithbat. Ay nafi al uyub wal naqais ila akhir an Allah, ce qu'on appelle le tanzih, wa ithbat al kamal lillah. Ces noms, en fait, c'est des noms qui montrent tawhid Allah subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi. Qala li'anna an-naqs idha intafa thabata al-kamal kullihi. Na'am. Idha intafa an-naqs, et s'il n'y a pas d'imperfection, automatiquement, obligatoirement, c'est qu'Allah il est parfait. Celui qui a des manquements, automatiquement, c'est qu'il n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'adorer une créature. Limada, liana, cette créature, quelle qu'elle soit, ça reste une créature. Et vu que la créature, forcément, elle a des imperfections, des manquements, il a arrêté, on ne peut pas l'adorer. C'est pour ça qu'on adore Allah Azza wa Jalla, limada, liana, il est parfait. Qala, fa huwa al-muqaddas al-mu'addam al-munazza an kulli su, al-salim min mumathalati ahadin min khalqih. Vous avez vu, on a le lien entre Al-Quddus et Al-Salam. فهو المقدس المعظم المنزه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, مقدس منزه. Et il est au-dessus de toute imperfection, tout manquement, tout défaut. Al-Salim, min mumathalati. Al-Salim, il ne peut pas ressembler à une créature. La créature, forcément, elle a des faiblesses. قال السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله فهذا ضابط ما ينزه عنه ينزع عن كل نقص بوجه من الوجوه وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي. Tout ça, c'est l'explication des versets que Cheikh Saad il a cité. هل تعلم له سمي فسيق قوله سمي أي ça ressemble à ند الشريك أي des associés أو des semblables. قال أو مضاد. Le مضاد ça vient du mot ضد. Il traduit par contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut contrarier Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé d'une chose et un autre il veut pas. Là, tout ce que Allah il a décidé, ça se passe. Na'am. Et taqaddam ma'ana la différence entre l'irada al-shar'iyya wa al-kawniyya. Amma wahid, il est mudad lillahi azza wa jal, annahu il peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire quelque chose, fa na'oudu billah min al-kufr. Allah il a pas de mudad, il fait ce qu'il veut. قال وينزع عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. Et les attributs d'Allah عز وجل, ils sont tous parfaits. قال ومن تمام تنزيه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء. Ça, في الحقيقة, c'est الثمرة de هذا الاسم. Le fruit de هذا الاسم. Si on a la conviction et on sait qu'Allah سبحانه وتعالى c'est le Quddus, c'est le Salam, c'est le Subuh. Donc ça implique, ou le sens c'est qu'Allah il est au-dessus de toute imperfection, et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il a les attributs parfaits, et les non-parfaits. Donc, الثمرة, bien sûr on doit aimer Allah azza wa jal, لأنه il est parfait, et كذلك يجب علينا الإثبات. إثبات ما أثبته الله لنفسه. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est donné comme nom, فنحن on l'affirme. On dit Allah c'est le Salam, c'est le Quddus, c'est l'Aziz, c'est le Jabbar, il a akhiri. وَمَا نَزَّهَا نَفْسَهُ عَنْ فَكَذَلِكْ نُنَزِّهُهُ. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dort pas. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pas d'ignorance, il a pas de manquement, il a pas d'oubli, il a pas de faiblesse, il a akhiri. فهذا c'est wajib علينا النفي والإثبات. قال ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له. فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء. قوله فإن التنزيه مراد لغيره أي هذا التنزيه أن الله سبحانه وتعالى يدخبا إلى بعد منكمو إلى آخره في الحقيقة c'est pour prouver qu'Allah سبحانه وتعالى il est parfait et on doit l'adorer. Donc l'objectif principal c'est quoi? C'est de aimer Allah, de reconnaître qu'il a des attributs parfaits, et ça va avoir pour conséquence de l'adorer et de se soumettre à lui azza wa jal. Amma at-tanzif fa maqsoud li ghayrihi, c'est pour nous montrer que Allah il est azim et on doit se soumettre. Hadha ma'na qawlihi muradun li ghayrihi. Qala 'an adh-dhunun as-sayyi'a kadh-dhann al-jahiliyya alladhina yadhunnun bihi dhann as-saw. Na'am al-mujrimin al-kafirin. كم من الناس على époque qu'on vit يسبون الله, ils insultent Allah, et بعضهم ils l'accusent d'être injuste, بعضهم ils l'accusent de امور تستحي من ذكرها. هؤلاء avec leur mécréance كذلك ils se sont écartés de l'apprentissage et la méditation de هذه الاسماء العظيمه. Allah il est pas injuste أبدا, c'est l'être humain qui est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour l'ibad. قال الظن غير ما يليق بجلاله وإذا قال العبد مثنيا على ربه سبحان الله أو تقدس الله أو تعالى الله ونحوها كان مثنيا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. Quand tu dis سبحان الله, سبحان الله, ça montre التنزيه. Subhanallah, amma yushrikun. Subhanallah, amma yushrikun. Ay, anna Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsa. Ay, Allah, il est au-dessus. On ne peut pas lui attribuer d'avoir un enfant, d'avoir une compagne, d'avoir un associé. Iyadam billah. Il y en a tout ça. Fa al-haqiqa, ça contredit la perfection. Fa quand tu dis subhanallah, fa tunazzih Allah azza wa ja'a al-naqa'is. Et ça, c'est un dhikr azim. Quand on dit subhanallah, subhanallah, et en Allah azza wa jal, on sait qu'il est au-dessus de toutes ses imperfections, ses manquements, et des accusations des kafiroun, des mushrikoun. Et que ذلك, quand tu dis subhanallah, forcément, si tu nazzah Allah azza wa jalla naqa'is wal uyub, et tu as la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toute imperfection, il a akhiré, ça va impliquer qu'Allah il est parfait. Fa qawl subhanallah fil haqiqa, ça comme sens at-tanzih, ay an-nafi, ay al-uyub wa naqa'is 'an Allah, et que ذلك الإثبات أي إثبات أوصاف الكمال. هذا كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل. On peut le résumer في هذا الاسم أو عن هذا الاسم plutôt. اسم on va lire من اسمه السلام وإلا القدوس والسبوح. On a dit ça ressemble. قال رحمة الله عليه السلام. هذا الكلام لو بروميير من احكام اهل الذمه. قال السلام من اسماء الرب تبارك وتعالى وهو اسم مصدر في الاصل كالكلام والعطاء بمعنى السلام. السلام اي من اسماء الله عز وجل بمعنى السلام. ثم اذا اكسبليكي سي كو السلام. قال السلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة. Quand on dit Allah سبحانه وتعالى c'est السلام, c'est القدوس, c'est السبوح, أي سلامة أفعاله. السلامة c'est qu'une chose elle soit pas touchée par une mauvaise chose, une imperfection, un manquement. مثلاً tu demandes à Allah السلامة, نسأل الله السلامة والعافية. C'est un dua azim. As-salama, c'est le fait de ne pas être touché par une mauvaise chose. Fallah subhanahu wa ta'ala, c'est salam. Et هنا, tu vas faire le lien avec salam. Et هذا السلام, هذا الاسم سلام يتضمن السلامة أو سلامة أفعاله من العبث والظلم. أي أن أفعال الله عز وجل c'est pas pour faire de l'injustice, commettre de l'injustice. أو العبث أي دي شوز كي نسير فاغنيا أبدا. الله سبحانه وتعالى السلام أي أفعاله سالمة من ذلك. أي الله سبحانه وتعالى يبقى با فير سي شوز لا. لماذا؟ لأنه السلام. دونك لانجستيس دي شوز إنوتيل أو دي شوز كي كونتخوديز لحكمة فلا. سي توا كونخي هذا توا كونخوند مثلا بوركوا الله سبحانه وتعالى إلا ليجيفيغي لي سونتونس. بوركوا الله سبحانه وتعالى إلا ليجيفيغي الجهاد. الله سي الحكيم سي السلام. Ce qui nous a légiféré, ça peut pas être de l'injustice. Ceux qui comprennent de l'injustice, c'est eux qui sont injustes. Imma ils le font exprès, ils veulent pas comprendre. Hal kathir min al kafirin. Imma iyadun billah, ils sont aveuglés. Et celui qui recherche le haq, il le trouve. Qala wa salamat sifatihi min mushabahat sifati al makhluqin. Cheikh Saadi l'a cité, هذا المعنى. أن les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ressemblent pas aux attributs des créatures. Qala wa salamat dhatihi min kulli naqs wa aib. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute imperfection et manquement. قال وسلامت أسمائه من كل ذم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms parfaits. Il n'a pas un nom qui montre une imperfection ou une mauvaise chose. أبدا. ولله الأسماء الحسنى. أي الكاملة. Tous ces noms, ils renferment des attributs parfaits. Et alhamdulillah, on en a étudié certains dans cette risale. قال فإسم السلام. يتضمن إثبات جميع الكمالات له والسلب جميع النقائص عنه. هذا كلام الشيخ سعدي رحمه الله. أي أن السلام والقدوس والسبوح سأنغلب جميع أوصاف الكمال. أي أن الله سبحانه وتعالى إلى طول الاتخبيو بارفه والسلب جميع النقائص. أي ننزه. أي on rejette tous les attributs imparfaits ou qu'il y a des manquements, des défauts, on les attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال وهذا معنى سبحان الله والحمد لله. C'est ça معنى هذا الذكر العظيم سبحان الله والحمد لله. Cheikh Saadi l'a cité le ذكر سبحان الله. الإمام نقيم هنا رحمه الله il a rajouté والحمد لله. لماذا؟ قال ويتضمن أو قبل ذلك سبحان الله لماذا؟ لأن كما قال الشيخ سعدي فيه التنزيه. التنزيه. Quand tu dis سبحان الله, أي الله il est au-dessus de toute imperfection إلى آخره. Donc tu as la croyance qu'Allah il dort pas. qu'Allah il a besoin de personne, qu'Allah il commet aucune injustice, il a akhir. Tunazzi Allah azza wa jalla an jami' an-naqais wal 'uyub. Qawluhu walhamdulillah, c'est al-thana 'ala Allah azza wa jalla bi mahabba wa ta'zim, et al-thana yakun bi madha? Yakun bi dhikr asma' Allah azza wa jalla wa sifatihi al-kamilah. Quand tu dis alhamdulillah, c'est al-thana 'ala Allah. Pourquoi on dit alhamdulillah? Limadha? Li'annahu il a les noms parfaits, les attributs parfaits, et tout ce qu'il fait, c'est parfait. Si tu rassembles ces deux, dhikr, subhanallah, ou alhamdulillah, subhanallah, c'est tanzih. Hey, Allah, il n'a pas d'attributs imparfaits, pas de manquements. Alhamdulillah, Allah, il a tous les attributs parfaits. Et c'est ça, ma'na as-salam. Al-imam Nurqayyum, rahmatullah alayhi, il a une quwa ajiba fi sharha al-adhkar, wa fi sharha asma illah. وصفاته رحمة الله عليه كذلك سبافني قال ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم أي هذا الاسم السلام تأملوا vu que c'est السلام il n'a pas d'attribut imparfait il n'a pas d'imperfection il n'a pas de manquement بل tous ses attributs sont parfaits donc c'est qui mérite الألوهية c'est qui mérite l'adoration قال وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر كذلك الله سبحانه وتعالى mérite التعظيم celui qui n'a pas d'imperfection et qui a tout les il a tous les attributs parfaits il mérite التعظيم on doit le respecter on doit l'aimer on doit se soumettre on doit le craindre on doit l'aimer on doit espérer إلى آخره التعظيم pourquoi الإمام القيم رحمه الله il a cité ces quatre kalimas on les répète سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لماذا؟ قال فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يتنى بها على الرب جل وعلا لأن ورد في الحديث أن أفضل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام le meilleur des kalams c'est quatre paroles سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر et si tu médites sur ces quatre paroles c'est le sens de السلام C'est ce lien que l'imam Nulqayyim, rahmatullah alayhi, il a voulu faire. Subhanallah, al-tanzih. Et Allah, il n'a pas d'imperfection. C'est bima'na al-salam, al-quddus, il a akhiré. Alhamdulillah, al-thana. Et on cite les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfait. Annahu, c'est al-Rahman, c'est al-Rahim, c'est al-Aziz, il a akhiré. Thana'un ala Allah. Azza wa jal. Et le fait de citer ces attributs parfaits. Et en haqiqa hada c'est min ma'ani as-salam li anna Allah as-salam s'il n'a pas d'imperfection automatiquement c'est qu'il est parfait donc ça c'est ma'na alhamdulillah la ilaha illallah c'est le fruit si tu sais que Allah c'est as-salam il n'a pas d'attributs imparfaits il n'a que des attributs parfaits ça va pousser ça doit te pousser à l'adorer et Allahu akbar kadhalik c'est une thamara azima ay celui qui est parfait et qui n'a pas de manquement et qui est adoré C'est le plus grand, c'est l'akbar. Donc ne crains pas Al-Bashar, n'espère pas de Al-Bashar, les causes, laisse-les des causes, et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, fahmadillah, c'est l'akbar. C'est lui qui est capable de te châtier ou de te récompenser. Amma al-ibad, laisse-les à leur place. Laisse-les à leur place, un bon comportement. T'aimes ce qu'Allah il aime fillah, tu détestes ce qu'Allah il déteste fillah, et tu crains personne. صف الله عز وجل هذا كلام مفيد إلى ستة دوتر معاني في السلام on peut citer قال pour montrer فقط certains sens pourquoi السلام s'englobe toutes les صفات السلام on a dit s'englobe toutes les صفات Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'imperfection, il a tous les attributs parfaits. Donc, ça englobe toutes les sifats. Fa matalan, la vie. Hayatullah. Qala fa hayatuhu. Hada toujours kalam ibn al-Qayyim rahimahullah fi bada'i al-fawa'id. Fa hayatuhu subhanahu wa ta'ala, salamun min al-maut wa min al-sina wa al-nawm. Hayatuhu, salamun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie parfaite et cette vie parfaite, Tu ne peux pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il meurt ou il dort ou as-sina. Kadhalik le fait de somnoler, de s'endormir, le début du sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de toutes ces choses. وعلمه السلام من عزوب الشيء عن أو عروض نسيان أو حاجة. Son ilm salam, salam de quoi? Allah il n'oublie pas, il ne peut pas se tromper, on n'a pas besoin de lui rappeler, abadan, il sait tout. Anzur. Al-ilm avec as-salam. Qala, wa ghina salam min al-haja. Ghina, sa richesse, salam, an al-haja. Allah il est riche, forcément il a besoin de personne. C'est lui qui possède tout, c'est les gens qui ont besoin de lui. Allah c'est le qayyum. Qala, وَمُلْكُهُ سَلَامٌ مِنْ مُنَازِعٍ فِيهِ. Allah c'est le malik, donc le mulk qui lui appartient. سَلَامٌ, son mulk, il n'y a personne qui peut lui retirer ou l'empêcher de faire quelque chose ou il a besoin d'un associé pour diriger هذا المulk. أبداً, Allah c'est le salam. قَالَ وَإِلَهِيَتُهُ سَلَامٌ مِنْ مُشَارِكٍ. Allah c'est الإله, c'est Allah المستحق للعبادة. Donc, هذه الألوهية الإلهية سلام من مشارك. Il n'a pas besoin d'associer et il n'a pas d'associé à Azza wa Jal. وهكذا دينه. Et là, c'était plusieurs معاني. استواءه وعلوه. أن الله له صفة الاستواء وصفة العلو. سلام من أن يكون محتاج إلى ما يحمله. فتأملوا. الله il est au-dessus de son trône. صفة الاستواء. هذا الاستواء سلام. Et Allah, il n'a pas besoin. Ne crois pas qu'Allah, il a besoin du arche. Allah, il est au-dessus du trône, pas parce qu'il a besoin du trône. Là, Allah, il est au-dessus. Avant d'avoir créé le trône, lakin, il s'est mis au-dessus de son trône, Azza wa Jal, pas parce qu'il a besoin du trône. Le trône, c'est lui qui a besoin d'Allah, Azza wa Jal. Le trône, c'est lui qui a besoin d'Allah, Azza wa Jal. Limadal, il y en a le trône, c'est une créature. Wa hakadha jami' as-sifat. Plus on avance dans هذا الكتاب, et plus on s'aperçoit akthar. Pourquoi les ulama disent que هذا العلم سينفع العلو. Pourquoi هذا العلم c'est essentiel. Essentiel, il y en a celui qui comprend هذه المعاني et il les met en application, à chaque son iman il va monter. Et باذن الله عز وجل il pourra accomplir beaucoup plus d'œuvres, il pourra s'écarter plus facilement des péchés, il pourra mettre en application, il pourra conseiller, il pourra patienter akthar. Iman ali annahu il sait qu'Allah c'est le raqib, il sait qu'Allah c'est le salam, il sait qu'Allah c'est le qadir, il sait qu'Allah c'est le razzaq. Et alhamdoulilah. Lakin, et on a, c'est très très important et c'est lié directement à notre dars. Vous vous rappelez de al-muraqaba, c'est istidamatu ilm al-abd an Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il a akhiré. Donc ça demande des révisions. Ça c'est pas un cours que tu fais et dès que tu as fini, khalas. Là, haqiqa, ça doit être tout le temps. Quand tu révises le Coran, quand tu lis le Coran, il y a un nom d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, Allah nous a waffaq, on étudie ce livre, tu fais le lien avec le dars. Maintenant, tu lis un verset et Ism al-Raqib, il est cité. Ou Ism al-Salam. Ou Ism al-Rafiq. Fi sunnah. Ma fi al-Quran, tu ne trouveras pas. Que ce soit fi al-Quran ou fi sunnah. Ism al-Aziz, Ism al-Alim. Anta. Ça doit te faire réviser et ça doit te faire méditer et inshallah tu mets en application. Ouais, là on ferme le livre et on révise plus et hadhihi al-ma'ani petit à petit tu les oublies. Si tu les oublies, tu pourras plus les mettre en application. Enfin, hadha la yanbaghi. Hadha c'est très très important. Naktafi bihadha. Et on passe à notre deuxième dars bi idhnillah 'azza wa jalla. Donc on a vu trois noms, ou quatre. Al-Raqib, Al-Shahid, Al-Salam, Al-Quddus et Al-Subuh. Cinq noms. Al-Raqib, Al-Shahid et les trois autres noms qui ont une ma'na assez proche. Et le prochain nom, Inch'Allah Ta'ala, Al-Sami'a.